حجز في فندق. سيدي، أريد غرفتين من فضلك. Je désire deux chambres, monsieur, s'il vous plaît. أهلا بك. أحجز لك الغرفتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين. Vous êtes le bienvenu. Je vous réserve les chambres 57 et 58. في أي طابق؟ Quel étage? في الخامس سيدي. Au cinquième, monsieur. في أي وقت يبدأ الفطور؟ À quelle heure sonne le petit déjeuner? يبدأ في السادسة سيدي. Il commence à 6 heures, monsieur. هل يمكن أن نستعمل صالة الرياضة؟ A-t-on accès à la salle de sport? نعم سيدي، بكل سرور. Oui, monsieur, avec plaisir. هل صالة الرياضة مجهزة جيدا؟ La salle de sport est-elle bien équipée? نعم، إنها مجهزة بطريقة ممتازة. Oui, elle est très bien équipée. هل يوجد جهاز التلفاز والهاتف في الغرفتين؟ Le téléphone et la télévision existent-ils dans les deux chambres? نعم، يوجد. ويوجد أيضا باب فاصل. Oui, ils existent et il y a aussi une porte séparatrice. أخيرا، هل يوجد سيارات أجرة بعد ظهر اليوم؟ Enfin, y a-t-il des taxis cet après-midi? نعم سيدي. Oui, monsieur.